pour la CSN qui sent le besoin de justifier concernant l'aide apportée à l'enfant Dieu. Donc, juste pour vous rappeler les faits, la CSN qui a donné 2 500 $ à l'enfant Dieu, question de d'appuyer son projet de victimite aiguë devant les tribunaux. Donc, il est rendu à quoi? 85 000, 90 000 $, Gabriel Nadeau-Dubois? Ah, tu parlais de Gabriel, ouais. Je pensais que tu parlais de Jésus de Nazareth. C'est Jésus, mais... Ouais, ben c'est ça, non, mais j'hésite toujours entre les deux. Le saint gardien du carré rouge. Donc tu parlais de l'autre, là, Gabriel. Le divin enfant. Non, je veux juste être sûr. Parce exact. Que moi, quand tu dis ça, l'enfant Dieu, je n'ai les deux. Ah, Jésus, c'est autre chose. J'ai Jésus sur la croix, puis j'ai Gabriel... Ouais. Sur la place, Gabriel est au-dessus, de tout. A toujours raison, parfait. Donc c'est la perfection. Toujours raison, bien entendu. Il est rendu à combien? 85 000, 90 000? Ah, je sais pas, ben, ça fait un coûte cher. Je on est quasiment rendu dans le budget d'O.J. Simpson. Là, c'est quoi donc son appel? C'est quoi son site déjà? Je sais pas. Je m'en promène pas avec. Une justice pour tous. Ça, c'est celui de Maurras. Oui. Alors que ça devrait être ça, pourtant, pour Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. C'est lui qui défend les gens. Appel à tous. Appel à tous, peut-être. Pourquoi pas? Appel à tous. Je sais que ça va bien du côté de Jean-François Maurras. Les gens se prennent en main. D'ailleurs, j'ai reçu un courriel. Non, arrête. Ben voyons donc. On joue aux devinettes. Là, ça en devient... Donne-moi pas la... OK, je te le donne pas. Fais un build-up un peu. Ça en devient ridicule. Ah ben vas-y. Ouvre pas les lignes, les gens vont aller voir. Joue avec moi. Je te promets que je l'ouvre pas. Là, j'ai la page de Météo Média devant moi. Là. Alors, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Bon, donc, toi, tu m'as dit quoi tantôt? Là? On est-tu rendu à 80 000, 85 000. La dernière fois que moi je suis allé, on était à 78 000. C'est le vendredi passé. OK. 78. Donc, combien on peut bien ramasser d'argent en 4 jours? Le fin de semaine en plus. Les amis, avec les amis de la bonne gang, au moins 25 000 de plus. Non, mais pas loin. Plus de choses. Est-ce qu'on est rendu à 120 000? Non. Non, mais pas loin. T'étais pas loin, là. 104. Non. Descends encore. T'es 96. Lorrain, pas loin. 94. Ah, je te le donne. 95 000 $, mesdames, messieurs, on dirait que je suis au Téléthon en fin soleil. On va l'avoir, le 100 000. 95 000 $. Les artistes, les carrés rouges, lâchez pas, donc. Vous n'aviez pas une scène à consacrer de plus à vos études. Mais pour envoyer de l'argent à Gabriel Nadeau-Dubois, l'enfant Dieu, pas de problème. Surtout qu'on est dans le temps des fêtes, donc on fête la naissance de l'enfant Dieu. Donc, c'est 100 000 que ça prend. Hey, avant on midi, est pas loin, on est capable d'atteindre le 100 000. Ben oui, on va l'avoir, voyons donc. 95 000 $ pour se défendre en appel. Pour un dossier qui va durer 48 heures à peine. Là. Non, je veux dire, il va y avoir beaucoup de surplus, là. Mais, on sait déjà, il va aller où le surplus? Ben, c'est l'AC. Donc, c'est les bureaux de l'AC actuellement. Dans les bureaux de l'AC, ça jubile actuellement. On aura pour au moins 75 000 piastres de ça, là. Oh oui. De cette motte-là. Ouais. 75 sur les 10. Et là, on nous avait dit du côté de l'AC, ben, on va utiliser ça pour... Et en passant, avez-vous vu des reportages de Radio-Canada là-dessus sur le fait que l'overflow, que le surplus va aller à l'AC? Pour financer des grèves étudiantes. Est-ce qu'il y a eu une enquête là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des reportages? Est-ce que Anne-Marie Dussault a fait des entrevues là-dessus? Non. OK. Non, ça ira pour défendre tous ces étudiants qui ont tous, sans exception, été arrêtés pour aucune raison. Moi, je vois ça, étant donné, vous savez que depuis le printemps, on est dans un état policier. Je vois ça trop souvent, là. À toutes les 2-3 fois par jour. Ah, des gens battus. Des gens qui sont arrêtés pour rien. Rien. Ils marchent dans la rue, bras dessus, bras dessous avec leur copine. C'est la réalité. Coup de matraque arrière de la tête. C'est la réalité. Je sais, non, mais regarde. J'ai vu une, mais j'ai oublié de te le dire. Ce matin, aux alentours de 8h10, c'est arrivé de 20 pieds de moi. Personne n'est intervenu, mais ça, on est tellement intimidé. J'ai vu un policier battre une aînée de 84 ans. Ben, moi, je pense qu'elle est morte. Ça me surprend même plus. C'est un fait divers. C'est pas important, mais je ne vais pas parler. Regarde, ça fait même pas partie des nouvelles. C'est un état policier. C'est un fait divers. C'est, donc, c'est on défendra tous ces innocents avec le surplus. Inquiétez-vous pas. Pour ce qui est de Jean-François Maurras, quand même, je suis surpris. 34 000 $ d'amasser pour Jean-François Maurras. Très bon. Bravo, là, je sais pas. Peux-tu donner les coordonnées du site de Jean-François Maurras? C'est quand même moitié moins, là, et plus. Là. Juste, ouais, mais il est parti en retard aussi. Puis ce sont des individus, ce sont des gens de la classe moyenne. Il n'y a pas d'organisation derrière. Il n'y a pas d'organisation derrière. OK? Quand vous n'êtes pas de chum avec la CSQ, la CSN puis la FTQ, vous comprendrez que c'est un petit peu plus tough de ramasser de l'argent puis de passer le chapeau, mais je pense que ça va bien quand même. Ben, c'est correct. C'est 34 000. C'est 34 000. Le site unejusticepourtous.com. J'aime mieux cet argent-là que l'argent des carrés rouges. Que l'argent détourné de force des employés syndiqués qui souvent ne choisissent pas d'être syndiqués. Ces cotisations-là syndicales, et c'est pas illégal. C'est immoral, par exemple, pour moi, ben, de prendre les cotisations de ces travailleurs-là et de les acheminer dans le pot à l'enfant Dieu. Personnellement, je trouve ça immoral. S'il y avait pas la... Mais la, c'est la, pas illégal. Non, mais s'il y avait pas la formule RAN, moi, j'en parlerais même pas de ça. Parce que je me dirais, si vous êtes pas d'accord, désyndiquez-vous. Ah, c'est une autre chose, totalement. Tu sais, je veux dire, regarde, vous êtes pas d'accord, ben, tirez à plat. Mais tu peux pas. Donc, en fait, tu peux. Plus tu peux te désindiquer. Mais la formule d'affiliation... obligatoire. Ouais, c'est ça. S'il n'y avait pas cette... T'es formule. Obligé. Là. Faut que tu cotises. T'as pas le choix. Là, on me dit, non, c'est pas vrai. Tu peux débarquer de ton syndicat. Oh oui, mais tu vas cotiser pareil. Si tu payes, on va toujours te prendre un montant pour le syndicat. C'est nécessaire. Ouais, c'est automatique. C'est automatique. C'est là où ça devient immoral. C'est ouais. Là où tu te dis, ouais, mais là, on demande pas aux membres qui sont obligés de cotiser ouais. Ce qu'on fait avec leur argent... Puis on fait ce qu'on veut avec leur argent parce qu'on l'a décidé. On a décidé, c'est l'exécutif. C'est nous qui a décidé. Puis... C'est ça. C'est pour le bien. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Comme le clergé dans les années 40-50, on disait aux femmes, hein, vous n'êtes pas tombée enceinte cette année, Madame Turgeon. Pour votre bien, d'après moi, pour le ciel, pour gagner votre ciel, ce serait peut-être bon une petite grossesse autour du mois de mars, là. Question d'avoir un 17e enfant, là. Parce que le ciel s'ouvrira pas aussi facilement, là, si vous n'êtes pas enceinte. C'est un peu ça.